إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الإحسان كلمة عظيمة تتضمن معاني واسعة تدور حول صلاح الإنسان وفلاحه في معاشه ومعاده ونفسه وأهله ومجتمعه وفي كل ما حوله من حيوان ونبات وجماد كلمة تدخل في الدين والعبادة والقول والعمل والخلق والمظهر والسلوك كلمة عظيمة لها مدارها في التعامل والتعايش ولها آثارها في ربعة الصدع وتنضيد الجراح وغسل الأسى وزرع التصافي والدفع إلى التسامي وصعودا إلى مكارم الأخلاق كلمة إليها ترفع أصول الأدب وفروعها وحسن المعاشرة وطرقها كلمة هي غاية غايات ومحط همم وذوي المهام العاليات هذه الكلمة العظيمة يوضحها ويجليها حديثان صحيحان عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما الأول فقد سأل عن هذه الكلمة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما الحديث الثاني فحديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أخرجه الحديثان أخرجهما مسلم ابن حجاج وأصحاب السنن معاشر الإخوة الإحسان مشتق من الحسن وهو نهاية الإخلاص والإخلاص أن يأتي المسلم بالعمل على أكمل وجوه من الإتقان والإحكام والجمال في الظاهر والباطن والإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فهو قيام بوظائف العبودية مع شهودك إياه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي تكون قائم بوظائف العبودية مع شهوده لك شهوده إياك فإنه مراقبة العبد ربه في جميع تصرفاته القولية والعملية والقلبية علم القلب بقرب الرب فهو من أعلى مقامات التعامل مع الله من عبد العزيز وهذه رسالة سنقرأها لكم إن شاء الله. وهذه الرسالة تتعلق بموضوع الإحسان، ومن جانب مهم في الإسلام وهو الإحسان إلى الحيوانات. فسنرى جانبا من جوانب الإحسان في الإسلام الذي يشهد على كمال هذا الدين وحسنه. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et sachez que l'ihsan, qui est traduit par de différentes façons, par la bonté, la bienfaisance, mais le terme qui exprime peut-être le mieux l'ihsan, c'est en réalité l'excellence dans la façon de faire l'action et dans la façon d'agir. Et l'ihsan, c'est qu'est-ce qui amène le bien et qu'est-ce qui montre le bien et le succès du serviteur dans sa vie et dans tout ce qui a rapport avec son existence dans cette vie d'ici-bas et dans son au-delà. C'est le bien qu'il a en lui-même et par rapport à ce qui est, et qui est relié également à sa famille, à sa société et tout ce qui est autour de lui-même. Et c'est relié également même à sa façon dont il agit envers les animaux, envers les plantes, envers les arbres, envers les choses inertes. C'est une parole qui rentre dans la religion et dans l'adoration, dans la parole et dans les actions, dans le comportement, dans l'apparence et dans la conduite. C'est une parole immense en signification et qui a un lien avec le comportement et la façon d'agir avec les autres et la façon de vivre avec les autres également. C'est une parole qui nous enseigne en même temps les plus hauts degrés du meilleur comportement et du bon comportement à adopter. C'est une parole qui revient au fondement des bonnes manières et qui entre dans chacune de ses branches et dans tous ses objectifs et dans ses méthodes et dans ses moyens d'y parvenir. C'est une parole qui est expliquée et clarifiée par deux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la première, c'est dans le hadith de Jibril. Lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, dis-moi qu'est-ce que c'est al-ihsan. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu en lui disant, al-ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu es conscient qu'il te regarde. Mais si tu n'arrives pas à adorer Allah en étant conscient qu'il te regarde, ou bien plutôt, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à adorer Allah comme si tu le voyais, alors adore-le en sachant que lui te regarde. Donc ça, c'est la définition de Al-Ihsan par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça implique que le serviteur, lorsqu'il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire son adoration de la manière la plus parfaite. C'est lorsque, par exemple, quelqu'un est en train de faire un travail pour quelqu'un, et qu'il a un patron ou un superviseur, et il sait que ce superviseur est en train de le regarder, il va faire son travail mieux que d'habitude. Alors que, si le superviseur est absent, peut-être qu'il ne va pas travailler aussi fort et faire le travail aussi bien. Mais quand il sait que le superviseur le regarde, et qu'il est présent, il va être plus appliqué dans son travail. Et donc, lorsque tu fais ton travail envers Allah, ton adoration pour Allah, tu l'as fait avec ihsan, eh bien ça veut dire que tu vas faire ton adoration de la façon la plus parfaite possible et la plus correcte possible pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple également de la signification de l'ihsan, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit l'ihsan dans toutes choses. Et il a dit, lorsque l'un d'entre vous doit tuer quelqu'un ou quelque chose, qu'il le fasse avec ihsan, c'est-à-dire de la meilleure façon possible et de la façon la meilleure. Et lorsqu'il va égorger son animal ou son sacrifice, eh bien, qu'il le fasse avec ihsan, c'est-à-dire avec bonté, avec maîtrise, et qu'il aiguise sa lame pour que l'animal soit reposé, pour que l'animal ne souffre pas, pour que l'animal ne ressente pas la souffrance hein, de la lame, si elle n'est pas bien aiguisée. Et donc, on comprend que le terme de Al-Ihsan touche à différents aspects de la religion, différents aspects de la vie. Et le terme Ihsan vient de Al-Husn, qui veut dire la beauté, le bien, tout ce qui est bon. Et c'est en fait la signification de la pureté, du fait que le musulman doit faire preuve de sincérité dans ses actions et faire ses œuvres de la manière la plus parfaite. Celui qui fait un travail négligé, qui fait un travail, comme on dit, pour se débarrasser, est-ce qu'il a fait un travail avec Ihsan? Non. Donc celui qui fait une adoration, qui fait sa prière juste pour se débarrasser, qui fait sa prière juste pour dire qu'il a prié, et qui prie sans concentration et sans méditation, sans humilité, est-ce qu'il a prié Allah subhanahu wa ta'ala avec Ihsan? Est-ce qu'il a prié Allah subhanahu wa ta'ala comme si il est conscient qu'il voit Allah ou que Allah le voit? Certes non. Sa prière est une prière machinale, quelque chose qu'il fait comme ça, et il est comme un robot, sans réfléchir. Et donc, l'adoration qui est faite avec Ihsan, elle est faite de la manière la plus parfaite et la plus belle, de façon apparente et intérieure également. Hein? Et également, donc, on va parler d'un des aspects de ça dans une lettre qui a été envoyée par le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, au sujet de l'ihsan envers les animaux. Et c'est une question très importante. Hein? Et surtout que la plupart d'entre vous, probablement que vous avez fait votre sacrifice et que vous êtes allé égorger votre mouton hier, eh bien, ça c'est un sujet très important aussi qui est relié à ça. Et en même temps, ça répond à beaucoup de choses qui sont dites par les non-musulmans et par les ennemis de l'islam au sujet de la manière dont les musulmans traitent les animaux et qui accusent les musulmans de faire de torturer les animaux ou de leur faire de la cruauté. Et donc, on va voir que toutes ces accusations-là sont totalement fausses. Et donc, c'est une lettre de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite. Il dit, « Mon Abdelaziz ibn Baz, إلى جناب الأخ المكرم وفقنا الله وإياه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد اطلعت على رسالتكم بخصوص ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم بأستراليا إلى الشرق الأوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك وإذ ندعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم ونشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة توجيع أو إهمال في حالة نقل أو سواها فما جاء في الحث عن الإحسان الشامل للحيوان قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي رواية فأحسنوا الذبحة وليرح أحد وليرح ذبيحته وليحد شفرته وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا، فقال وفي كل كبد رتبة أجر. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له فسقته إياه فغفر لها به، رواه مسلم في صحيحه. Approchez-vous, les frères qui sont devant. Serrez un peu les reins pour laisser un peu d'espace pour ceux qui sont derrière. Et donc, c'est une lettre de Cheikh Abdul Aziz al-Mubaz, rahimahullah, de la part d'une personne. Il envoie cette réponse à quelqu'un qui lui a posé des questions, qui vient de l'Australie et qui voulait envoyer des animaux au Moyen-Orient. Et il parlait dans cette lettre, dans sa demande. Il disait que dans le transport des animaux, dans les bateaux et dans les différents moyens de transport qu'ils utilisent pour transporter le bétail, eh bien, il expliquait comment les animaux parfois étaient maltraités et comment ils étaient écrasés et mal nourris et ainsi de suite. Et donc, il désirait avoir une explication de comment on doit traiter les animaux dans l'islam et c'est quoi les règles de la bonté envers les animaux. Alors le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, il lui a dit que il va lui répondre et qu'il va lui mentionner également à ce sujet là les preuves du Coran et de la Sunna pour supporter ce qu'il dit. Et donc il a commencé par mentionner que l'islam enseigne d'être bon envers les animaux. Peu importe que cet animal fasse partie des animaux qu'on a le droit de manger ou que ce soit des animaux qu'on n'ait pas le droit de manger, il faut quand même faire preuve de bonté envers ces animaux-là. On n'a pas le droit de leur faire mal ou de les négliger ou de les maltraiter. Dans les preuves qui sont mentionnées à ce sujet, il mentionne les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala incite les musulmans à faire preuve de bonté de façon générale. Et comme lorsqu'il dit « Et soyez bons, car Allah aime les bienfaisants. » Et il mentionne le verset dans lequel Allah ordonne la justice et la bienfaisance à l'ihsan. Et il mentionne également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a mentionné au début, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a prescrit l'excellence et la bonté, le bon comportement envers toute chose, ou dans toute chose, et donc lorsqu'on égorge un animal, de l'égorger avec une lame qui est bien aiguisée pour ne pas torturer l'animal. Et il a mentionné également parmi les exemples de ça, comment le fait d'être bon envers les animaux peut même être une cause du pardon d'Allah et d'obtenir d'Allah la miséricorde. Et il mentionne un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il nous a dit que il a mentionné qu'il y a un homme qui était avec sur son chemin, il avait soif, il est descendu dans un puits pour boire. Une fois qu'il est remonté, il a vu un chien assoiffé, et tellement que le chien avait soif, il mangeait de la terre humide pour essayer de se rafraîchir. Et l'homme a dit, il semblerait que ce chien soit aussi assoiffé que moi je l'étais auparavant. Alors il est descendu dans le puits, il a pris de l'eau dans son chausson et il est remonté avec le chausson dans sa bouche et il a abreuvé ce chien. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié pour ça et lui a pardonné ses péchés. Alors les sahaba ont dit, oh messager d'Allah, est-ce qu'on a une récompense également pour être bon envers, en étant bon envers les animaux? Et il a dit, oui, vous avez une récompense pour chaque foi humide, en voulant dire tout être vivant. Et dans une autre narration, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'histoire d'une femme qui faisait partie des femmes qui se prostituaient parmi les femmes de Bani Israël. Et elle voit qu'un chien assoiffé tournait autour d'un puits. Alors, elle est descendue dans ce puits et elle l'a abreuvé, ce chien. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné son péché. C'est un hadith rapporté par Muslim. وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. Également, parmi les choses qui indiquent que l'islam incite à la bonté, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala interdit le contraire de la bonté, c'est-à-dire l'injustice et la transgression. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, et Allah n'aime pas les transgresseurs. Et il dit dans un autre verset ce qui signifie, et quiconque fait de l'injustice d'entre vous, nous lui donnerons un grand châtiment. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, Abdullah ibn Umar est passé près d'un groupe de personnes qui avaient accroché un poulet et ils s'amusaient à tirer dessus. Lorsqu'ils ont vu Ibn Umar, ils se sont tous éparpillés, ils se sont tous séparés. Hein? Alors, Ibn Umar a dit, celui qui fait ça, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a maudit. C'est-à-dire celui qui torture les animaux. وفيه عن أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي أن تحبس حتى تموت. Selon Anas, il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'accrocher ou d'enfermer les animaux jusqu'à ce qu'ils meurent, de les laisser sans les nourrir jusqu'à ce qu'ils meurent. Wa fi riwayatin an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la tattakhidhu shay'an fihi ar-ruh gharadan. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne prenez aucune chose vivante ou qui a une âme comme une cible, pour vous pratiquer à tirer, ou pour vous amuser, ou jouer avec, de prendre des animaux comme une cible ou des choses de ce genre. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النحل والنملة والهدهد والصرد. Donc il a mentionné que Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a interdit de tuer quatre parmi les bêtes ou les animaux, les abeilles, les fourmis, un oiseau ou deux sortes d'oiseaux, al-hudhud et al-sard. Et ensuite il dit, wa fi muslim anna rasul allah sallallahu alayhi wa sallam qal wa uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar لا هي أطعمتها وسقتها وإن هي حبستها وإن هي حبستها وهي لا تتركها تأكل من خشاش الأرض. Il mentionne également, comme c'est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme a été châtiée parce qu'elle a emprisonné un chat ou un chaton et elle ne l'a pas laissé se nourrir. Et elle ne l'a pas nourrie, elle ne lui a pas donné rien à boire ni à manger. Et elle est entrée dans le feu de l'enfer à cause de ça. Wa fi sunani Abi Daoud, an Abi Waqid, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وأخرج الترمذي ما قطع من الحي فهو ميت. C'est-à-dire que si un animal vivant, tu coupes une partie de son corps pour le manger, hein, alors que l'animal est encore vivant, eh bien cette partie de la viande que tu as coupée, c'est mort. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de manger cette viande-là. Et c'est de la torture pour l'animal de lui arracher une partie de lui-même alors qu'il est encore vivant. وعن أبي مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش بجناحيها على من تحتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها فرأى طرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. Dans une autre narration, il est mentionné que les sahaba ont dit: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Et il est parti faire quelque chose. Et quand il est revenu, hein, nous, avant qu'il revienne, ils ont vu un moineau ou un petit oiseau avec des bébés, hein, des petits oiseaux avec ça, et allez, avec le moineau. Alors ils ont pris les deux petits. Et le moineau est venu pour essayer de protéger ses petits puis de les reprendre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu cela, alors il a dit: qui a effrayé ce moineau en prenant ses petits? Remettez-lui ses petits. Et il a vu une fourmilière également qu'on avait brûlée. Alors il a dit: qui a brûlé cette fourmilière? Ils ont dit: nous. Alors il a dit: il n'est pas permis de châtier par le feu, excepté pour le Seigneur du feu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها قيل يا رسول الله ما حقها قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. Et donc dans une autre narration, la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de yani, tout animal qui est tué, que ce soit un moineau ou plus gros, yani, il ne faut pas le tuer, excepté pour son droit. Et ils ont dit: quel est son droit au messager d'Allah? C'est-à-dire qu'il soit égorgé, puis qu'on le mange, et de ne pas couper sa tête, puis de la jeter. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه مر على حمار قد وسم وجهه فقال لعن الله الذي وسمه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه وهذا شامل للإنسان والحيوان. Le prophète صلى الله عليه وسلم est passé près d'un animal, on avait marqué son visage, alors il a dit que Allah maudit celui qui a marqué son visage, et il a interdit de marquer le visage d'un animal ou d'un être humain ou de le frapper dans le visage. Et ça, c'est pour les animaux et pour les êtres humains aussi. Également, c'est la même chose pour les animaux qui sont interdits de manger. On n'a pas plus le droit de les torturer ou de les faire, par exemple, utiliser pour faire des combats. Hein, des combats d'animaux pour qu'ils s'entretuent. Ça aussi, c'est de la torture pour les animaux. ومفهومه عناية الإسلام بحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرى عنه الأذى. فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من الترهيب في تعذيب في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا ومالي وماليا ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة، ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كثيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها، وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة من الطعام والسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج، وفصل الضعيف عن القوي الخطر والسقيم عن الصحيح، وكل في كل المراحل التي يعني حتى تسويقها قدر المستطاع. وهو اليوم شيء ممكن، وهو اليوم شيء ممكن، وهي تحت يده يعني لمن تحت يده هذه الحيوانات بالمعروف. ومما يؤسف منه ويستوجب الإنكار وجاء البيان والتحذير منه الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان، ويعني الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي، وما يمهد له عند الذبح منه بأنواع من التعذيب كالصمادات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره، ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي، مرا بسير كهربائي حتى موضع يتولى ذبحه لدى بعض المصانع، مصانع الذبح والتعليب، ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية، أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية، أو تسليط بخار حار عليها لإزالة الريش، زاعمين أنه أوفر بما يراد ذبحه من الحيوان حسب ما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح. وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحة، وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما ويحاسب عليه قاصده لما سلف ذكره ولما صح في الحديث: إن الله لا يقتص الإشاه الجلحاء من الشاة القرناء. فكيف ممن يعقل الظلم ونتائجه السيئة؟ Et donc, parmi les exemples également qui montrent tout ce qu'on a mentionné, ça nous indique qu'il faut bien traiter les animaux lorsqu'on les déplace et de faire en sorte qu'ils ne vont pas manquer de nourriture ni de breuvage et qu'ils ne vont pas se faire du mal les uns aux autres et ainsi de suite. Et également, parmi les choses qui méritent que ce soit des choses qui soient condamnées et qu'on doit critiquer, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays non musulmans, comme par exemple ici au Canada ou ailleurs en Europe. Et qu'est-ce qu'ils font subir aux animaux comme torture en les électrocutant ou en leur donnant des chocs électriques, soi-disant pour pas qu'ils ressentent la douleur lorsqu'ils sont égorgés ou exécutés. Et ils critiquent les musulmans aujourd'hui d'égorger les animaux sans les électrocuter. Alors que de les électrocuter, c'est ça qui est en réalité une source de souffrance pour eux et une forme de torture pour les animaux et de cruauté envers eux. Et demandez à n'importe quelle personne qui vous dit, par exemple, que d'électrocuter les animaux, c'est mieux pour eux, demandez-leur si eux, ils voudraient qu'on les électrocute. Hein, et ils vont vous répondre. Hein, ils vont vous dire qu'ils ne veulent pas se faire électrocuter. Donc, le fait d'égorger l'animal et de couper les veines et la voie de respiration lorsqu'on égorge l'animal, c'est une façon d'égorger l'animal qui fait en sorte qu'elle meure le plus rapidement possible et qu'elle perd connaissance. Et lorsque le couteau est bien aiguisé et qu'on l'égorge, eh bien, l'animal ne ressent aucune douleur hein, à ce moment-là. Et donc, si on l'électrocute avant, c'est le contraire. Elle sent la souffrance de l'électricité qui passe à travers son corps, et c'est ça justement qui est quelque chose de grave et de dangereux. Et l'islam interdit ce genre de cruauté envers les animaux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc premièrement je m'excuse pour le temps. Je sais que le temps est limité, donc parfois la préparation elle paraît plus courte, mais le fait de faire la khutbah ça prend plus de temps qu'on avait imaginé, malheureusement. Allah musta'an. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais résumer seulement la suite. Qu'est-ce que je voulais mentionner? C'est que si l'islam nous demande d'être avec plein de bonté envers les animaux de cette façon, juste une pensée en même temps, si on réfléchit, si c'est ça le comportement qu'on doit avoir même envers les animaux, alors imaginez comment l'islam ordonne d'être bon envers les hommes et envers les êtres humains. Ça veut dire qu'on doit faire encore plus preuve de bonté et de douceur envers les animaux et envers, encore plus envers les êtres humains. Et donc ça nous indique en passant que tout ce que font les criminels de Daesh, toutes les tortures qu'ils font aux musulmans et aux non-musulmans, tout ça, ils ne pourraient même pas le faire à un animal. Alors comment ils peuvent se permettre de le faire à des êtres humains au nom de l'islam? Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, parmi les règles qu'on doit respecter avec les animaux qu'on va égorger, premièrement, leur offrir de l'eau. Il faut les abreuver et bien les nourrir. Deuxièmement, être sûr que le couteau est bien aiguisé pour pas que l'animal souffre. Et également, de ne pas montrer à l'animal le couteau lorsqu'on l'aiguise ou bien lorsqu'on va le sacrifier. Il y a des paroles des salafs à ce sujet-là qui indique que yani, si tu lui montres l'arme au moment où tu l'aiguises, eh bien c'est comme si tu le torturais déjà avant même de l'égorger. Et il y a beaucoup d'autres exemples que j'avais tirés de la lettre de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout lire et je ne veux pas dépasser le temps prévu. Donc on laissera ça pour une autre occasion, Inch'Allah. Mais j'espère que qu'est-ce qu'on a entendu comme exemple et comme parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme verset du Coran est suffisant pour nous donner une petite idée de la grandeur de cette religion et de la miséricorde de ses enseignements et yani, de al-ihsan dans l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين